إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون فالكل كان في العدم ثم خلقه الله ودب على الأرض وعمرها ثم أماته الله ثم يبعثه الله يوم القيامة ليوفيه حسابه على مشواره الطويل خلال هذه الأطوار ثم إذا جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يحاسب الله البشر في يوم كان مقداره 50,000 سنة والكل سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فهذا يوم لقاء عظيم سيمر به جميع الناس كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمان منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم يا أخي الكريم يا من تنظر إلى جواله mon frère je m'excuse mais lorsque tu viens à la Jumu'a il faut pas que tu passes ton temps à regarder ton téléphone أخي barakallahu fik l'ordre c'est d'écouter la khutbah Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné. On ne fait pas venir à la prière de Jumu'ah juste pour faire acte de présence. Parce que c'est une obligation. On dit, on n'a pas le choix, il faut venir. Il faut venir ici avec l'intention. Avec la présence du cœur. Avec an-niyya sadiqa. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فماذا أعددنا لهذا اللقاء العظيم عباد الله لنا مع هذا الحديث عدة وقفات الأولى يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل وما وعلى ما يليق بجلاله وعظمته فالله يتكلم كما شاء بما شاء وكلاما يليق به لا يماثل كلام المخلوقين. فالله سبحانه وتعالى كلم آدم وكلم موسى وكلم محمدا عليه الصلاة والسلام، ويقول لعيسى عليه الصلاة والسلام في الآخرة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ويقول له: أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك، إلى غير ذلك من المواطن التي دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الله يتكلم فيها كلاما حقيقيا لائقا بجلاله وعظمته. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان فيه لغات، يقال ترجمان وترجمان وترجمان كما هنا، والترجمان يقال لمن ينقل الكلام لغيره ولو بنفس اللغة، ويقال ذلك أيضا لمن ينقل من لغة إلى لغة. فهنا ليس بينه وبينه ترجمان، بل سيكلمه الله مباشرة بلا واسطة، ليس عن طريق الملك، وإنما يكلمه تكليما مباشرا. وإذا استشعر الإنسان مثل هذا الموقف أن الله يكلم عبده تكليما مباشرا ويحاسبه على أعماله ويقول له كما دلت عليه الأحاديث: اذكر كذا، فعلت في يوم كذا وكذا، فإذا أنكر الإنسان ختم على فيه ونطقت جوارحه حتى الأرض التي يمشي عليها تنطق وتتكلم، كما قال الله: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء. وكذلك أخبر عن الأرض، قال: يومئذ تحدث أخبارها فتذكر ما فعل عليها. فهذه ينبغي للإنسان أن يضعها دائما نصب عينيه، أن الجوارح تتكلم والأرض تتكلم، وأن الله سيحاسبه ويكلمه مباشرة. ولو قيل له إن أحدا من الناس ممن يعظمه أو يخافه سيكلمك ويحاسبك مباشرة وسيكون لك يوم معه، فإن الإنسان يحسب لذلك ويكف عن كل شيء لا يريده من سيقابله، فكيف بنا عباد الله مع الملك الملوك جل وعلا الذي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكأن نهاية المطاف هي اللقاء بالله، كما قال سبحانه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الوقفة الثانية قوله: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، يلتفت يمينا وشمالا يبحث عن طريق للنجاة. كل من خفت منه فررت منه وفررت عنه إلا الله، تخافه فتفر إليه، لأنه لا منجأ ولا ملجأ ولا ملتجى من الله إلا إليه. وهذا معنى قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. الوقفة الثالثة أن الإنسان يرى عمله الذي عمله في الدنيا في يوم القيامة، فكل عمل سيجده العبد في صحيفته، ويتمثل أمامه ويوضع في الميزان، فهذا يوم الحساب وهو يوم العدل والإنصاف. فالله تعالى حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الوقفة الرابعة قوله: وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. وذلك أن النار يجاء بها يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام حتى تكون بين يدي الناس في أرض المحشر، فينظرون إليه عيانا بأبصارهم. الوقفة الخامسة قوله: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. في الحديث دليل على فضل الصدقة ولو كانت قليلة. شق تمرة يعني نصفها، فالصدقة تنجي من النار، فلا يحتقر المرء شيئا يبذله. أخرج البخاري ومسلم. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب لا يقبل الله، ولا يقبل الله إلا الطيب. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وفلوه أي مهر الخيل الصغير. عباد الله، لا نزال نتأمل في هذا الحديث ونقف عند مدلولاته. فالوقفة السادسة قوله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يجد فكلمة طيبة، يعني من لم يجد ما يتصدق به فليتق النار بكلمة طيبة. الكلمة الطيبة تشمل كل كلام طيب نافع، وأفضل الكلام وأطيب الكلام وأصدق الكلام قراءة القرآن والأذكار كالتسبيح والتهليل والتحميد، وكذلك حسن الكلام مع الناس بلطيف العبارة وغير ذلك. الوقفة السابعة في الحديث يظهر فضل الله سبحانه وتعالى، يظهر فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وكرمه، حيث فتح أبواب الخير مشرعا للعالمين، مشرعة للعالمين، فمن أراد الخير وجده. لكن المصيبة أننا مفرطون ومقصرون في جنب الله. كم تضيع الأوقات الثمينة والطويلة. نسأل الله العافية والسلامة. انظروا عباد الله في مشهد يتكرر كل يوم، بل في اليوم مرات: الصلاة المفروضة، يؤذن المؤذن وتقام الصلاة في الوقت بين الأذان والإقامة، وقت يسير، ومع ذلك فإن أكثر الناس لا يأتي إلا بعد الإقامة، فتفوتهم الركعة والركعتان. نسأل الله العافية. ولربها صلى بعضهم في البيت، أو بعضهم لا يجتهد ولا يحاول أن يدرك الجماعة، فما الذي منع هؤلاء من التقدم والتبكير للصلاة إلا الكسل وإيثار الشهوات؟ نسأل الله العافية. ومثله التأخر يوم الجمعة، فلا يحضر بعض الناس إلا بعد صعود الخطيب، وربما فاتته الخطبة كاملة وتدركه ركعة أو ركعتان أو ركعة، أو بعضهم يتأخرون فيصلون الظهر. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء في النداء يعني في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا والتهجير التبكير والعتمة والصبح صلاة العشاء والفجر الوقفة الأخيرة إن في هذا الحديث لقاء عظيم الذي ذكر في الحديث سيمر به الخلق كله كلهم وإنه لموقف عظيم يدعو المسلم أن يستعد له وذلك بالعمل الصالح وفعل محاب الله واجتناب السيئات لأنك ستلقاه وسيسألك عن كل شيء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Serviteur d'Allah, craignez Allah et sachez que le jour approche pour chacun d'entre nous. Chaque seconde qui passe, il n'y en a pas une de ces secondes qui va revenir. Une fois que la seconde est partie, elle ne reviendra plus jamais. Comme la chandelle qui brûle, ce qui est brûlé de cette chandelle, il est parti à jamais, il ne reviendra plus. Et notre vie, c'est comme une chandelle qui brûle. Chaque année qui passe, c'est une année de moins dans notre vie. On devrait donc non pas se réjouir lorsque notre vie avance, comme les koufars chaque année qui célèbrent leur anniversaire, mais plutôt pleurer chaque année, parce qu'une année de moins a été enlevée du total de notre existence pendant qu'on vit sur cette terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés dans un but bien précis et pour une raison très spécifique, et c'est de nous mettre à l'épreuve et de nous tester et de nous éprouver à savoir lequel d'entre nous va faire les bonnes œuvres, lequel d'entre nous va être sincère, lequel d'entre nous va lui obéir et va l'adorer exclusivement. Et il y a un jour, chacun de nous se tiendra devant Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. Il dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Adi ibn Hatim, chacun d'entre vous, Allah subhanahu wa ta'ala va lui parler. Et il n'y aura pas entre lui et Allah aucun traducteur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser à chacun d'entre nous directement. Et il va lui demander à propos de ses œuvres et à propos de ses actions. N'est-ce pas que tu as fait telle chose, tel jour, à telle heure, à tel moment? Et donc il va regarder à sa droite et il ne verra rien d'autre que ce qu'il a préparé pour lui-même. Et il va regarder à sa gauche et il ne verra rien d'autre que ce qu'il a préparé pour lui-même. Et il va regarder devant lui et il ne verra rien d'autre que le feu devant son visage. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors préservez-vous du feu de l'enfer même par la moitié d'une date. Même par la moitié d'une date. Et donc c'est-à-dire préparez-vous à ce grand jour, ce jour extrêmement important dans lequel chacun d'entre nous aura à rendre des comptes pour ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait. Et parmi les points bénéfiques qu'on peut tirer de ce hadith, premièrement, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses nobles attributs, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle. Et il s'adresse à sa création. Et de la même manière qu'il s'est adressé à Adam, qu'il s'est adressé à Moussa, qu'il s'est adressé à Muhammad, alayhi salatu wa salam, eh bien, il va s'adresser à chacun d'entre nous au jour de la résurrection. et il n'y aura pas de traducteur, il n'y aura pas d'interprète entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Il va s'adresser directement à chacun d'entre nous. Et il va demander à chacun, te souviens-tu de tel péché? Te souviens-tu de telle action que tu as fait? Et si le serviteur, il nie, ou il dit, non, je n'ai pas fait ça, ou j'ai jamais fait ça, eh bien, on va lui fermer la bouche, on va lui sceller la bouche et ses mains et ses bras et ses jambes vont témoigner contre lui. Ils vont parler, Allah subhanahu wa ta'ala va les faire parler. Et même la terre sur laquelle il a marché, va témoigner ce jour-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans sourate Al-Zalzala, يَوْمَ إِذِن تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا, elle va raconter son histoire. La terre va témoigner de ce que les humains ont fait sur elle. Allah subhanahu wa ta'ala va la faire parler et va la faire raconter son histoire. Et ce jour-là, elle va expliquer tout ce que les hommes ont fait comme injustice, comme crime et comme autre chose sur cette terre qui est la terre d'Allah. Et donc, c'est le jour, ce sera ce jour, le jour des comptes. Le jour où chacun d'entre nous devra répondre de ses œuvres et de ses gestes et de ses paroles. Également, ce jour-là, nos œuvres vont être pesées et vont être placées sur la balance. Et celui dont la balance sera lourde en bonne action, il se réjouira ce jour-là, tandis que celui dont la balance sera légère, c'est-à-dire il n'y aura pas beaucoup de bonnes œuvres dessus et ses péchés seront plus lourds, eh bien, ce sera un jour malheureux. Un jour malheureux pour lui. Et ceux qui seront dans cette situation-là, eh bien, ils ne verront devant eux que le feu de l'enfer. Et l'enfer est une créature immense parmi les créatures d'Allah. Elle est tirée au jour de la résurrection par 70 000 cordes. 70 000 cordes, et sur chacune de ces cordes, 70 000 anges. C'est une créature immense. Et le jour où les hommes voient cette créature approcher, ils voient leur destination, c'est un jour où ils réalisent le mal qu'ils ont fait et le malheur qui les atteint. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés et nous a incités à se préparer pour ce jour-là, en faisant des bonnes œuvres. Et il a dit même la moitié d'une date, peut-être que quelqu'un va dire, mais la moitié d'une date, c'est quoi? Ça vaut pas grand-chose, c'est pas grand-chose, c'est rien. Est-ce que la moitié d'une date peut nous protéger du châtiment de l'enfer? Eh bien oui, parce que en réalité, cette moitié de date que tu vois, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « La yahqiranna ahadukum shay'an min al-ma'ruf » que nul d'entre vous ne méprise quoi que ce soit des bonnes œuvres, même si c'est une moitié de date. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala va prendre cette date, la moitié de cette date, et il fait augmenter cette récompense, il la multiplie en valeur. Et donc, au jour de la résurrection, tu la retrouves, elle est devenue plus grande qu'une montagne, alors que toi, tu la voyais petite. Et avec l'intention de la personne, et selon son intention et sa sincérité, la valeur de cette action-là peut devenir encore plus grande que ça. Donc, ce n'est pas par la grandeur de nos œuvres, comment elle peut nous apparaître grande ou petite dans cette vie d'ici-bas, que Allah va juger la valeur de ce qu'on fait. Et pour le péché, c'est la même chose. Peut-être que certains d'entre nous ont dit, mais est-ce que Allah va me châtier pour ça? C'est rien. Et peut-être que à cause justement de ton attitude et à cause de la façon dont tu dénigres le péché, eh bien Allah l'augmente et le fait devenir plus grave. Alors que peut-être que pour quelqu'un d'autre, lorsqu'il commet ce péché-là, il le fait avec tellement de crainte, tellement de peur, que ça devient justement pour lui une cause de repentance et une cause pour se remettre en question et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, comme une montagne sur le dessus de sa tête. Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a comparé. Il a dit, l'hypocrite, lorsqu'il fait un péché, c'est comme il le chasse avec sa main, comme un moustique qui le dérange. Tandis que le croyant, lorsqu'il commet un péché, c'est comme une montagne qui est au-dessus de sa tête, à n'importe quel instant, elle s'apprête à l'écraser. C'est comme ça qu'il se sent lorsqu'il commet ce péché-là. L'état du cœur du croyant au moment de la désobéissance et l'état du croyant au moment de la bonne action peut faire toute la différence dans ce qui concerne la récompense et le châtiment et la punition. Et c'est pour ça que dans plusieurs exemples, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit par exemple « Ma asfal al-ka'bayni fa fi an-nar ». Combien d'entre nous maintenant, si on regarde nos pantalons, si on regarde nos pantalons, est-ce que nos pantalons sont en dessous de la cheville? Je suis prêt à parier peut-être, et on parie pas dans l'islam, mais c'est juste un exemple, que si chacun d'entre vous regardez le bas de ses pantalons, il va trouver que ses pantalons sont en bas de sa cheville. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ma asfal al-ka'bayni fa fi an-nar. » Ce qui est en bas de la cheville, c'est dans le feu. On est bon pour faire des grands discours, et pour parler de toutes sortes de choses, pour parler de toutes sortes de problèmes, la Palestine, comment on va faire pour la reprendre, parler de qu'est-ce qui se passe dans tel pays ou dans tel pays, comment on va faire pour régler ces conflits. Mais quelque chose que chacun d'entre nous est capable de régler, juste avec $5, aller chez le tailleur, juste faire arranger son pantalon, ça demande pas un grand effort et ça demande pas beaucoup de difficultés. Et c'est des choses qui sont dans les capacités de chacun d'aller faire couper le bas de ses pantalons pour qu'il soit au-dessus de la cheville. Ça, on n'est pas capable de le faire. Alors, il faut se remettre en question. Ma asfala, tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Tu le vois comme si c'est quelque chose d'insignifiant, comme si c'est pas grave. Qu'est-ce que ça dérange chez mes pantalons? Allah, il va me mettre dans l'enfer pour ça? Déjà, même de poser la question de cette façon, c'est un manque de respect envers Allah et son messager. Depuis que Allah, il t'a interdit quelque chose, depuis que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, t'a interdit quelque chose, tu dois t'abstenir. Tu dois pas poser la question, mais pourquoi? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a interdit ça? Tu dois écouter et obéir si tu es un serviteur croyant. Donc, j'espère que, inshallah, vendredi prochain, lorsque vous allez venir prier le Jumu'ah ici, vous allez amener tous vos pantalons chez le tailleur, et que quand je vais regarder les soufouf, chacun d'entre vous, ses pantalons sera au-dessus de sa cheville. Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.